Vous écoutez Futur Simple sur les belles ondes CKRL au 89.1. Et comme l'hiver, avec les douces températures qu'on connaît ces jours-ci, semble finir, bah, on va aller chercher un peu de fraîcheur au nord. On va y aller en compagnie du biologiste Joël Betty. Il est chercheur à l'Université du Québec à Rimouski. Ses recherches portent sur les écosystèmes arctiques. Et nous allons vous faire entendre en fait une capsule préparée par Brit Pochet, qui est journaliste et rédactrice scientifique, et Guy Lavigueur, qui est photographe caméraman. Eux ont rencontré Joël Betty. Alors, on écoute la capsule. Pour Joël Betty, être chercheur, c'est combiner son amour du plein air et sa passion pour les animaux sauvages. Je suis un passionné de la faune. Donc, depuis mon tout jeune âge, je suis fasciné par le comportement des animaux, le déplacement des animaux. Je me lasse pas à regarder pendant des heures des individus qui se promènent en milieu naturel. Ensuite, je suis un passionné de plein air, un passionné d'être à l'extérieur, dans mon environnement naturel. Pour moi, c'était presque un rêve d'avoir un travail dans lequel je peux réaliser ce genre d'expérience-là, où je suis en contact étroit avec la faune dans des milieux tout à fait exceptionnels. Directeur de laboratoire, Joël Betty se voit surtout comme un chef d'orchestre qui cherche et fait ressortir les qualités de ses musiciens. Et moi, comme chercheur, ben, ma plus grande force, c'est d'essayer de bien m'entourer, de trouver les bonnes personnes avec qui travailler et de me concentrer sur les forces et ce que chacun peut apporter dans l'équipe pour réussir à répondre à des questions qui sont difficiles à répondre autrement. Donc, je n'essaie pas moi-même de développer l'ensemble de ces habiletés-là. Et parfois, il y a même des étudiants qui se joignent à mon groupe qui ont déjà des habiletés que moi, je n'ai pas. Donc, eux aussi m'apprennent beaucoup à travers cette expérience-là. 2010, Joël Betty explique pourquoi les oiseaux migrent si loin dans le nord, pour éviter la prédation de leur nid. Une démonstration élégante qui lui vaut de recevoir le prix du scientifique de l'année de Radio-Canada. C'est sûr que pour moi, c'est une façon aussi de partager avec tout le monde une belle reconnaissance des travaux de notre équipe derrière ça et de faire rejaillir un petit peu cette reconnaissance-là à travers tous les membres de l'équipe. Donc, c'est une belle opportunité de dire à quel point notre travail et nos réussites dépendent vraiment d'un apport de plusieurs personnes. Sinon, c'est toujours plaisant de faire attirer l'attention vers nos sujets de recherche, donc d'avoir la chance de partager avec le public, avec les gens en général, qu'est-ce qu'on fait, nous? Pourquoi on travaille sur ces questions-là? Quelle est l'importance de notre recherche? Donc, d'attirer l'attention vers ce qui nous passionne profondément. L'un des projets actuels de l'équipe s'intéresse plus particulièrement aux aideras duvet qui nichent dans le cercle arctique, au Canada, au Groenland, en Islande et dans les pays scandinaves. Une collaboration est indispensable pour mener à bien de tels projets d'études. Lorelai Guéry, étudiante-chercheur, travaille sur plusieurs colonies dans trois pays différents. Une collaboration internationale avec des équipes de recherche un peu partout. Moi, c'est vraiment ça qui m'a attiré au départ, c'est pouvoir collaborer de façon internationale et arriver à des projets à plus grande échelle. Les expériences, les points de vue sont différents en fonction des pays, même les façons de voir la recherche en Europe et en Amérique du Nord sont complètement différentes. Et c'est vraiment enrichissant de pouvoir confronter les deux, dire « Ouais, mais nous, on voit ça comme ça. Ah, nous, on avait fait ça, ok, mais c'est une bonne idée. » Puis du coup, ça circule beaucoup plus. Puis plus il y a de gens qui vont réfléchir sur le sujet et plus il y a des idées qui émergent. Travailler dans le Grand Nord canadien pose des défis de taille. Les chercheurs sont isolés, à des milliers de kilomètres de tout point de service. Il leur faut être autonome et surtout débrouillard. Donc tout ça demande une logistique quand même complexe. Le transport de matériel, le transport de nourriture, installation des campements, ça prend du bon équipement. Aussi le personnel, de se retrouver dans ces milieux isolés, ça demande des formations particulières, formation de premiers soins en milieu isolé. Donc si on a un problème, on doit vraiment trouver une solution entre nous. On ne peut pas faire appel à l'extérieur. Marie-Hélène Truchon et Geneviève Allard, toutes deux assistantes de recherche, nous expliquent. S'assurer que bon, le matériel va être prêt, qu'il est envoyé à temps, puis que les étudiants manqueront de rien pour ce qui est du Nord. Puis aussi, c'est qu'il faut s'assurer aussi que la sécurité des étudiants, avant de les envoyer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une formation pour la rencontre d'un ours polaire, ils vont avoir une formation pour être capables de tirer d'une arme à feu s'ils voient un ours polaire, par exemple, puis qu'ils sont en situation de danger. Des fois, on peut les aider, mais il n'y a pas vraiment... Il faut vraiment tout prévoir d'avance. Comme, par exemple, un ours polaire qui mange les sièges d'un VTT, ça, c'est déjà vu. Oui. Ça peut être problématique quand on arrive pour voyager notre équipement, puis qu'il n'y a plus de siège, puis que l'ours polaire est encore fâché après le VTT. Donc, tout ça fait partie de la logistique qui est cachée derrière nos articles scientifiques. Finalement, dans un article scientifique, on ne voit pas du tout ces aspects-là. Mais pour nous, c'est une grosse partie du travail de mettre en place cette infrastructure et mettre en place une équipe qui est apte à opérer dans des conditions extrêmes. Pour Joël Betty, dialoguer avec les communautés inuites est essentiel. Avec son équipe, il présente les projets dans les villages, les écoles, à la radio communautaire. Échange très apprécié, d'un côté comme de l'autre. Comme nous, comme chercheurs, souvent, on va débarquer à un endroit pendant quelques semaines ou quelques mois seulement par année. Ces gens-là habitent le milieu toute l'année. Il y a des chasseurs, des trappeurs qui connaissent extrêmement bien le monde de la faune, leurs déplacements, leurs habitudes, le fonctionnement des écosystèmes. Donc, effectivement, par des échanges avec des gens qui habitent ce territoire, il y a énormément de nouvelles connaissances qui sont acquises et qui sont échangées, et ça stimule la recherche d'une certaine façon. Et quand on lui demande quel est son plus beau souvenir de science? C'est viscéral, je ne m'habitue pas à la beauté de ce site-là. Donc, je peux observer des oies blanches, observer des renards arctiques, voir les glaciers, les icebergs, les montagnes. Et je me rappellerai toujours la première fois que j'ai mis le pied sur l'île Bilot. Donc, je débarque de l'hélicoptère. Là, je suis devant un paysage exceptionnel. Et encore aujourd'hui, j'y retourne et je ne m'habitue pas à la beauté de ces sites-là. Alors, vous avez entendu donc Joël Betty expliquer comment se déroule la recherche dans le Nord. Donc oui, on peut étudier les renards, les harfangs et les écosystèmes, mais il y a toute une infrastructure, toute une organisation derrière ces recherches qu'on ne voit pas toujours quand on a le résultat de la recherche. Nous, quand on lit l'article, on ne voit pas toujours toute cette organisation qu'il y a derrière la recherche. Alors évidemment, en ondes, vous avez entendu juste les voix, vous n'avez pas vu les images prises par Guy Lavigueur, qui est caméraman, photographe, également artiste, et en fait, sa spécialité, c'est la photo aérienne. Alors, si vous voulez voir les images qui sont associées à cette bande-son, vous pouvez aller voir ça sur le site de l'Association francophone pour le savoir, ou plus simplement ACFAS, A-C-F-A-S. Vous trouverez également facilement avec un moteur de recherche l'adresse du site internet de l'ACFAS. Et maintenant, on fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on plonge plus en avant dans les recherches faites par l'équipe de Joël Betty.